Alors, mon tour, Linda Guidroux. Donc, je suis docteur en ethnologie. Donc, j'ai réalisé une thèse de 2006 à 2010 en co-tutelle entre le Québec, l'Université Laval à Québec même, et l'Université de Bretagne occidentale à Brest, sur le sujet donc des Bretons ayant migré au Québec depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et plus particulièrement, j'ai travaillé sur leur appartenance culturelle, la manière dont ils ont exprimé leur appartenance culturelle bretonne. Donc, je me suis intéressée plus spécifiquement à ceux qui avaient le désir de valoriser leur identité bretonne, leur appartenance culturelle bretonne en territoire d'accueil au Québec. Et plus précisément encore, j'ai travaillé aussi sur la manière dont les liens que ces migrants ont tissés avec leur territoire d'accueil et les liens qu'ils ont gardés avec leur territoire d'origine, à savoir la Bretagne, ont pu influencer sur ce désir de valoriser cette appartenance culturelle au Québec. Voilà. Donc, la thèse a été soutenue en 2010 avec Monsieur Lecoydy comme président du jury, Monsieur Simon comme directeur de thèse et co-directeur, Monsieur Laurier Turgeon, donc au Québec. Voilà. Alors la communication que je vais vous présenter aujourd'hui donc est vraiment on va dire une synthèse un petit peu de mes résultats de recherche et est vraiment axée sur justement ces liens que les migrants ont tissés ont construits en territoire d'accueil et ceux qu'ils ont maintenus avec leur territoire d'origine donc plus particulièrement avec la Bretagne et comment donc ces liens ont influencé sur leurs désirs et sur la manière de valoriser ou non parce que certains ont souhaité ne pas valoriser leur identité en territoire d'accueil. Alors, donc déjà, pourquoi j'ai mené cette recherche au Québec et pas ailleurs? Tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait un intérêt par rapport à la situation du Québec, qui est une minorité linguistique française, dans une mer d'anglophones. Et je trouvais que la comparaison des deux territoires, Bretagne, Québec, deux minorités linguistiques, bon, une reconnue, l'autre non, mais en tout cas, était intéressante pour avoir des points de comparaison intéressants à analyser. Et la deuxième raison aussi, c'est qu'en faisant mes recherches bibliographiques, en débroussaillant le terrain au début de ma thèse, tout simplement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travaux qui avaient été réalisés sur les Bretons partis aux États-Unis, mais pratiquement rien sur ceux qui étaient partis au Canada et encore moins pour ceux vraiment partis dans la province de Québec. Donc, je trouvais que ben, voilà, c'était encore un champ à explorer, un terrain vierge. J'avais quand même lu quelques travaux de l'historien Grégoire Leclège qui avait travaillé sur les migrations bretonnes jusque dans les années 70 aux États-Unis et au Canada, qui avait donc quand même donné des chiffres en fait hein, de cette émigration. Donc, 550 000 pour l'ensemble du Canada et 45 000 pour le Québec. Et c'est vrai que le fait d'avoir plus d'études sur les États-Unis et le Canada et beaucoup moins sur le Québec, je trouvais qu'il y avait quand même un terrain intéressant, d'autant plus quand même 45 000 Bretons partis au Québec, c'était pas un élément négligeable. Voilà. Alors, donc mon intérêt, c'était de découvrir comment et pourquoi ces Bretons avaient choisi d'exprimer, de valoriser. Il est en route, merci. Pourquoi les Bretons avaient décidé de valoriser et comment ils avaient décidé de valoriser leur identité, leur appartenance culturelle bretonne, autrement dit, pourquoi et comment se dire breton au Québec? Et donc, pendant ces 3 ans de terrain, puisque j'ai passé vraiment la majorité, enfin 2 ans et demi au Québec et 6 mois en Bretagne pour étudier ceux qui étaient analyser le retour de migration également, je me suis rendu compte, déjà j'ai pu identifier la manière dont ils ont valorisé leur identité, les marqueurs qu'ils ont mis en avant pour valoriser leur identité. Je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que ça sera encore une autre intervention. Et donc plus particulièrement les liens hein, qu'ils ont gardés avec leur territoire d'origine et les liens qu'ils ont construits en territoire d'accueil. Et comment donc ces liens ont influencé leur bretonnité. Alors, donc Premièrement, donc quand ils sont arrivés au Québec, ces Bretons ont tissé bien sûr des liens avec le Québec et avec la société québécoise. Et ces Bretons, en fait, ont mis en place, donc je vais vous présenter un petit peu le plan de ma communication, ont mis en place des modes et des stratégies de réseautage, de socialisation en terre d'accueil. Donc ça a été bien sûr par le biais familial, relationnel, mais aussi par leur milieu professionnel. Ils ont aussi adhéré à différentes associations. On va en voir ça plus en détail. Et donc, mon intérêt était de savoir si le migrant avait vraiment évolué dans un milieu de co-originaire de Breton ou est-ce qu'il avait plutôt cherché des contacts avec sa société d'accueil ou les autres communautés migrantes présentes au Québec. Le deuxième point que j'aimerais aborder, ce sont aussi les différentes modes et stratégies d'adaptation que ces Bretons migrants ont dû mettre en place pour s'adapter à leur territoire d'accueil. Donc j'ai cherché à savoir comment le migrant a été amené à maintenir, à rejeter ou à métisser ses particularités culturelles pour mieux s'intégrer à sa société d'accueil, mais également comment il a cherché à participer à cette société, autrement dit à considérer cette terre d'accueil un petit peu comme à la fois comme un espace vécu, mais aussi un espace investi. Enfin, je présenterai aussi les facteurs qui les ont conduits aussi au choix de s'installer définitivement en terre d'accueil, définitivement au Québec. Deuxième point que j'aimerais aborder, donc, c'est les liens maintenus plutôt avec la Bretagne, leur territoire d'origine, donc que ce soit les liens familiaux, les liens amicaux, mais aussi les liens culturels et les liens citoyens. Donc on parle de liens citoyens, c'est-à-dire vote par procuration, intérêt pour la politique culturelle, la politique locale, régionale. Voilà. Alors, premièrement, les liens tissés dans leur territoire d'accueil. Alors, ces liens se sont manifestés par un réseau de... Je cherchais à savoir, en fait, s'ils avaient recherché à se rapprocher d'une parenté peut-être déjà ayant émigré au Québec ou pas. Essayer de faire fonctionner le réseau de parents qui seraient déjà peut-être partis au préalable pour trouver, par exemple, un emploi, pour trouver un logement, pour s'insérer socialement. Alors, je m'attendais à trouver effectivement beaucoup de migrants qui avaient de la famille établie sur place. Et en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Pourquoi je m'y attendais ? Parce que tout simplement, il y a une loi au Québec, le décret de 1957, qui autorise les migrants reçus, c'est-à-dire les migrants installés au Québec, à parrainer leurs concitoyens. Donc je me disais, comme il y a ce système de parrainage, pour les Bretons, les nouveaux migrants bretons, c'était beaucoup plus facile d'avoir effectivement une parenté sur place pour pouvoir émigrer. Et donc c'est pour ça que je m'attendais justement à rencontrer des gens qui étaient partis parce qu'ils avaient de la famille déjà là-bas. Eh bien pas du tout. La plupart des migrants, sur les 35 personnes que j'ai rencontrées, 23 sur les 35, 23 n'avaient aucun réseau familial en arrivant, aucune connaissance amicale également à leur arrivée en terre d'accueil. Et peu de ressources financières. Voilà. Donc c'était vraiment ça a été en tout cas ce que j'ai trouvé généralement. Seulement en fait deux couples et deux familles avaient vraiment de la famille là-bas pour les aider à trouver, qui les ont aidés d'ailleurs à trouver un emploi et un logement à leur arrivée. Donc en fait, tous ces Bretons avaient tout simplement des ascendants qui résidaient dans leur territoire d'origine en Bretagne et ils n'étaient pas partis parce que justement par facilité d'intégration avec une famille sur place. Par contre, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que j'ai remarqué pour deux ou trois familles, trois familles exactement, qu'il y a eu un réseau familial qui s'est tissé, c'est-à-dire des Bretons partis dans les années 50 qui ont eu des enfants, eux-mêmes ont eu des enfants, et ces Bretons se sont installés de manière géographique à proximité. Donc ça, c'était intéressant aussi à voir, puisqu'il y a eu vraiment une solidarité géographique, parce que le Québec est grand, le Québec c'est cinq fois la France, donc il y aurait pu s'installer à l'autre bout du Québec. Non, il y a eu vraiment une solidarité géographique et une continuité aussi de la langue bretonne. C'est une des familles hein, de mon corpus, particulièrement la famille Jacques Conan, un écrivain journaliste qui est parti là-bas dans les années 50, tout simplement parce que il a eu une perte d'emploi ici qui était probablement, en tout cas selon le discours de ses enfants, lié à ses convictions politiques bretonnes, de revendications identitaires bretonnes. Et donc cette famille a vraiment développé un réseau linguistique en fait pour continuer à pratiquer leur langue en territoire d'accueil et ont transmis cette langue à leurs enfants, c'est-à-dire des enfants nés au Québec. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que effectivement c'est peu commun de développer une langue qui n'est parlée que par la famille et qui n'est pas du tout parlée à l'extérieur ou même en milieu associatif où il n'y a pas de réseau. Voilà. Certains aussi également ont développé une solidarité professionnelle, c'est-à-dire certains dans les années 50 se sont installés, 50-70 se sont installés sur place et ont développé un réseau d'entreprises puisque les enfants ont repris l'entreprise de leurs parents, si on est au Québec, ont repris l'entreprise familiale. Ça a été le cas de certaines personnes qui ont ouvert des crêperies, une autre qui a ouvert aussi une compagnie maraîchère. Donc on les voit ici, hein, donc mère et fille qui ont donc ouvert une crêperie, les enfants donc des Québécois de par leur lieu de naissance ont repris l'affaire familiale et donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre côté donc un maraîcher, son fils, hein, pareil, transmission familiale d'une profession en terre d'accueil. Alors donc finalement je me suis rendu compte que ces Bretons migrants avaient leurs racines donc en territoire d'origine, en Bretagne, leurs ascendants, mais leur avenir, leurs enfants et leurs petits-enfants au Québec. Donc, partagés finalement entre deux territoires, leurs racines les nièces, les cousins, les oncles, les parents en France et plus particulièrement installés en Bretagne, et leurs enfants au Québec, donc leur avenir. Par rapport aux liens qu'ils ont tissés, donc d'autres types de liens que le milieu familial, il y a eu aussi les associations. Alors plusieurs associations bretonnes, quand je dis associations bretonnes, c'est simplement des associations qui se regroupent pour tout simplement faire des animations, que ce soit des fest-noz, manger des galettes, faire une sortie, qui sont quand même des associations, qui ont en tout cas ces différentes associations depuis les années 50 qui se sont succédées ont toujours eu l'intérêt de valoriser la culture bretonne. Donc c'était des associations spécifiques auxquelles les Bretons ont adhéré. Donc la première association est née en 1949. C'est une association un peu informelle au sein de l'Union française de Montréal, ce qui est assez curieux puisque là c'était vraiment une association bretonne inclue dans l'Union française. Chose qu'on aurait peut-être du mal à concevoir ici puisque le contexte est différent. Enfin, la reconnaissance de la particularité bretonne est assez différente dans le contexte français. Et donc, cette association est née après la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion d'une poignée de migrants qui ont décidé de valoriser leur culture, qui ont créé leur propre cercle celtique, qui ont commencé à faire des balles. Donc, on n'appelait pas des fest-noz, puisque c'était dans le cadre de l'Union française, on en appelait ça des balles, mais en fait, qui étaient animés par des biniou, des bombards, des sonneurs, et où on dansait breton. Et donc, cette association a duré seulement un an, puisqu'à l'intérieur de l'Union française, il y a eu une scission, puisque l'Union française, en fait, essayait d'englober toutes les minorités culturelles françaises à l'intérieur de l'Union, c'est-à-dire les Alsaciens, les Basques, les Occitans, etc. Mais les Bretons trouvaient qu'elles cherchaient trop à les uniformiser et non à garder leurs particularités. Donc, en fait, ces migrants qui avaient fondé ce groupe de Bretons informels au sein de l'Union française de Montréal ont décidé de quitter l'Union française et de former leur propre groupe. Donc là, il y a eu quand même une séparation suite à des tensions. Ils ont créé donc l'Amicale Armor dans les années 50, donc qui a perduré jusqu'en 62, qui là était vraiment un réel appareil organisationnel, donc vraiment une association, avec un bureau, etc., et qui a fondé, bon, qui a créé de plusieurs manifestations, des sonneurs, des groupes de sonneurs, des groupes d'un cercle celtique, qui organisait des réunions de famille, des projections de films sur la Bretagne, qui diffusait aussi des informations venant de Bretagne, des informations culturelles, également du contexte politique régional, qui organisait aussi des voyages de groupes en charter, puisque en fait un des migrants avait une agence de voyage et avait des tarifs préférentiels pour ces Bretons migrants, donc arrivait à obtenir des tarifs particuliers pour que les migrants puissent faire un va-et-vient entre la Bretagne et le Québec. Voilà, donc une réelle organisation. Et cette organisation avait aussi vraiment une réelle fonction d'entraide et de solidarité, puisque quand un migrant arrivait au Québec, il était pris en charge par cette association. En tout cas, cette association était à sa disposition pour l'aider à trouver un logement, un emploi, etc. Donc il y avait vraiment une fonction de solidarité dans les années 50. Ça a évolué ensuite par la suite. Donc ce type d'association n'est pas propre aux Bretons migrants au Québec, puisque ce type d'association, on en a déjà entendu parler en région parisienne. La Bécadic, au début du XXe siècle, avait déjà créé la paroisse bretonne à Paris, qui avait vraiment ce rôle d'entraide et de solidarité, avec un bureau de placement pour les migrants, une caisse d'épargne, des dépôts de vêtements, une bibliothèque. Enfin, il y avait déjà, c'est quelque chose qu'on remarque sur d'autres types de diaspora. Donc en 1964, en fait, cette amicale Armor s'est transformée en ce qu'on appelle une compagnie incorporée, en fait, au Québec, qui est l'équivalent d'une association loi 1901 chez nous, donc l'Union des Bretons du Canada, et qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque cette association existe toujours. Et dans le corpus que j'ai étudié, il y a quand même 26 personnes sur 35 que j'ai rencontrées qui adhèrent à cette association. Donc pour elles, c'est vraiment un élément important pour garder un lien avec leur appartenance culturelle et un lien donc avec la Bretagne. Voilà. Il y a eu également une scission après, pendant l'Union des Bretons, ça a été de créer la Maison de la Bretagne, qui s'appelait Braise Canada, mais qui n'a pas duré très longtemps, faute de subventions. Mais il y avait un réel projet avec cette Maison de la Bretagne de faire, en fait, une vitrine, en fait, de la Bretagne au Québec. Donc il y avait vraiment une dynamique, en tout cas, qui s'est créée. Alors, pour la fonction de ces associations pour les migrants que j'ai rencontrés, a évolué, en fait, en fonction des vagues de migration. Pour les migrants arrivés entre les années 50 et 70, donc ces associations avaient vraiment un rôle d'intégration, d'aide à l'insertion. Certains se sont engagés dès leur arrivée, d'ailleurs, dès leur arrivée au Québec, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais quitté cette association. D'autres, par contre, se sont investis dans cette association seulement arrivés à l'âge de la retraite. Tout simplement parce qu'arrivés à l'âge de la retraite, le travail n'est plus une raison de rester en territoire d'accueil. Après tout, à la retraite, on peut très bien retourner chez soi, en territoire d'origine. Et donc, du coup, cet engagement dans une association culturelle bretonne était aussi un moyen de donner un sens à sa présence dans le territoire d'accueil. Donc, donner un sens, pourquoi on reste, en fait, finalement. On reste pour continuer à valoriser son identité, son appartenance. Voilà, donc ça a été le cas pour certains qui ont adhéré à cette association arrivés à l'âge de la retraite. Dans les années 70-90, les raisons sont un petit peu différentes. On cherche plus à continuer à garder un lien avec la Bretagne. C'est un moyen de garder, de maintenir, de réaliser une migration, ce qu'on appelle une migration de maintien. Dans les discours de mes interlocuteurs, j'ai bien senti que plusieurs m'ont dit oui, mais de toute façon, on se regroupe moins que les Basques ou les Alsaciens. Notre appartenance est beaucoup moins forte et les Bretons sont plus très solidaires aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que m'ont révélé ceux qui sont arrivés entre les années 70-90. Donc on sent qu'il y a une perte d'influence de ce groupe associatif breton. Et plus récemment, donc les migrants arrivés entre les années 90 jusqu'à 2005, donc la jeune migration, Là, j'ai bien noté qu'il y avait vraiment une perte d'importance de ce réseau associatif breton et qu'on n'avait plus besoin de ce réseau associatif ni pour trouver un emploi, ni pour trouver un logement, tout simplement, peut-être parce qu'on a l'habitude d'être, ben, on est plus autonome, on a plus de moyens de communication aussi, mais aussi, surtout, parce que ces jeunes migrants ont un réseau social beaucoup plus élargi que ceux qui arrivaient dans les années 50, par exemple, avec, bien sûr, l'aide des nouvelles technologies. On peut garder plus facilement le lien avec son territoire d'origine par le web, par l'Internet, par la webcam, etc. Donc il y avait moins ce souci de se raccrocher en fait à un groupe représentatif de son appartenance parce que finalement on le garde au quotidien et on est parti mais sans être parti réellement. Voilà. Et Tardieu donc avait d'ailleurs fait la même constatation pour les Bretons de Paris, puisqu'il avait noté que effectivement la jeune migration bretonne à Paris avait gardé beaucoup moins de liens avec la Bretagne que les anciennes générations, générations des années 50. Alors tout de même dans mon corpus, hein, sur 35 personnes, 10 personnes ne se sont pas identifiées à ces organisations associatives et ont plutôt d'ailleurs essayé de ne jamais rentrer en contact avec ces groupes, ces communautés bretonnes au Québec, de peur de ne pas pouvoir s'intégrer au Québec, de rester entre bretons et d'avoir des barrières ou en tout cas de se créer des barrières pour s'intégrer dans leur société d'accueil. Alors, parmi ces dix migrants, il y en a tout de même 5 qui se sont mariés avec un Québécois, une Québécoise, donc ils ont réalisé une exogamie québécoise, un qui a réalisé une exogamie nationale française, c'est-à-dire donc avec un Français, voilà, et non pas un Breton, mais un Français, et un autre, une exogamie marocaine. Voilà, donc, disons, le mariage avec un non-Breton aurait peut-être influencé sur ce choix de ne pas intégrer une association culturelle arrivée en territoire d'accueil. Voilà. Alors par contre, pour la majorité de mon corpus, hein, la majorité des migrants que j'ai rencontrés, ce qui est certain, c'est que la plupart des migrants n'ont jamais cherché de relations avec leurs concitoyens français. Au contraire, donc toujours, on ne veut pas être entre Français, on est là pour s'intégrer. On veut bien être entre Bretons pour la majorité, mais on veut bien être avec d'autres communautés culturelles, mais pas avec les Français. Donc il n'y avait pas ce désir de se rapprocher de leurs concitoyens français, contrairement à ce qu'avait pu observer Grégoire Leclèche en Saskatchewan, donc dans l'Ouest canadien, où là, effectivement, au début du 20e, les Bretons se rapprocher de leurs concitoyens français parce que ils étaient dans une mer d'anglophones et effectivement c'est la langue qui les obligeait à aller vers les Français alors qu'au Québec il n'y avait pas de nécessité puisque les Québécois parlent français et on n'a pas cette barrière linguistique. Voilà. Alors, le troisième type de réseau qu'ont utilisé ces Bretons, ce sont des réseaux de sociabilité québécois. Alors, ce réseau, j'ai cherché à savoir, en fait, de quelle manière ils sont rentrés en contact avec les Québécois, quelle était leur relation avec les Québécois, et donc si cette intégration a été effective ou pas. Et dans le discours de mes interlocuteurs, dans pratiquement tous les entretiens, il est sur 30 personnes sur 35 m'ont révélé qu'ils se présentaient toujours au Québec, non pas comme Français, mais comme Breton. Alors déjà, bon, c'est particulier. Bon, au Québec, on est quand même vu comme Français. En tout cas, l'accent est perçu comme Français. On n'a pas d'accent breton. On dit « Ah oui, t'es Français parce que t'as un accent. » et donc, ils se sont toujours présentés comme Bretons. Et donc, la réponse, pourquoi se présenter comme Breton, c'est tout simplement, selon leur discours, que c'est un véritable passeport. Au Québec, il y a une image positive, en fait, du Breton. Par contre, il y a une image très négative du maudit français. Et c'est vrai que c'est particulièrement, c'est très très fort. Et d'ailleurs, cette image du maudit français a bloqué ces Bretons dans leur relationnel avec les Québécois. Parce qu'avant d'avoir la possibilité d'exprimer qu'ils sont Bretons, s'ils étaient catégorisés comme français par leur accent, ça leur créait vraiment des sacrées barrières, à la fois professionnelles, mais en termes simplement relationnels de la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est apparu dans tous les discours. Et parfois, d'ailleurs, ça a été le principal facteur de retour. des difficultés. Alors pourquoi cette alors je parlais déjà de l'identité de l'identité régionale bretonne, déjà pourquoi valoriser au Québec, pourquoi les Québécois ont une image positive des Bretons. Alors c'est le résultat de plusieurs choses. Viola avait déjà remarqué ça aussi hein, pour les Bretons de Paris. Alors où j'en suis? Voilà. Déjà, il y a le facteur que de nombreux Québécois pensent avoir des ancêtres bretons. Ils sont persuadés que leur famille vient de Bretagne. Bon, pour ceux qui ont fait de la généalogie, effectivement, ils se rendent compte qu'ils viennent plus de Normandie ou du Poitou que de Bretagne, réellement. Mais le fait que Jacques Cartier, breton de Saint-Malo, ait découvert le Canada en 1532, que ça soit écrit dans tous les livres d'histoire, donc c'est quelque chose qui est intégré dès le plus jeune âge au Québec, a participé, bien sûr, à cette image positive du breton. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, ce sont surtout, avant Jacques Cartier, il y a eu aussi d'autres Bretons. Hein, les pêcheurs bretons sont arrivés au Canada, à Terre-Neuve, au XIe siècle. Donc, avant Jacques Cartier, il y a eu autre chose. Mais les livres d'histoire parlent surtout de Jacques Cartier. Donc, c'est cette image de Jacques Cartier qui rend le breton sympathique, d'une part, alors qu'en réalité, la présence bretonne au Québec est très faible par rapport à la présence normande ou à la présence d'Île-de-France. Par exemple, Jean Simard, en 1681, relevait qu'il y avait 48% de migrants qui venaient de Normandie, 28% d'Île-de-France et seulement 7% de bretons. Donc, ça représentait une goutte d'eau, finalement. Grégoire Leclèche, plus tard, a estimé de 6 à 7 000 bretons au moment de la cessation du Canada à l'Angleterre en 1763. 6 à 7 000 bretons, vraiment, c'est également pas beaucoup. Il y a aussi également le facteur que beaucoup de noms de lieux bretons apparaissent au Québec. Le Neil, qui avait publié un ouvrage en 2001 sur les noms de lieux bretons dans le monde, avait relevé effectivement un certain nombre de noms, hein, comme le Blavet, comme Gouin, il y a un Brest également, Saint-Brieuc, un Sainte-Anne-de-Beaupré, donc le nom de Sainte-Anne déjà évoque la Bretagne. Et donc ces noms de lieux avaient tout simplement été donnés par des missionnaires qui étaient partis au 19e siècle au Canada pour tout simplement participer à la propagation de la religion catholique. Et donc, tout simplement, ce sont des traces dans le paysage, mais qui ont été données ponctuellement à un moment donné au 19e. Et donc, du coup, l'image du Québec l'image pour les Québécois est assez forte. D'où donc cette croyance en des ancêtres bretons. La deuxième raison pour laquelle les Québécois ont une réelle sympathie envers le breton, c'est surtout que les Québécois sont bien conscients qu'il y a un combat linguistique ici en Bretagne, un combat par rapport à la langue bretonne, qui semble similaire à celui que les Québécois ont pour le français dans leur mère d'anglophone. Et donc la société québécoise, en fait, a vraiment une bonne perception de ces Bretons, parce que se sent proche, en fait, des Bretons. Cette image positive que renvoient les Québécois aux Bretons a permis quand même aux migrants de se construire. Ça a été, pour la plupart des migrants que j'ai rencontrés, m'ont parlé de cette proximité linguistique avec les Québécois, de cette proximité en tant que culture minoritaire. Et a été vraiment un facteur de rapprochement. Et c'est souvent la première chose quand on dit « Ah ben voilà, je suis bretonne, moi-même je me suis présentée en tant que bretonne. Ah ben oui, vous, chez vous aussi, vous avez une langue minoritaire. » Et ça, c'est un fait connu. Et qui est valorisé au Québec, et du coup ça crée une affinité qui vient vraiment de la société québécoise. Donc, en fin de compte, le regard que portent les Québécois sur les Bretons permet vraiment aux Bretons de se définir en tant que tels et de ne pas avoir peur de se dire breton, puisque c'est quelque chose qui est valorisé, contrairement effectivement à ce que souvent on peut vivre ici sur le territoire français. Alors, par rapport à l'image négative du maudit français, alors cette image a plusieurs causes. D'où elle est née déjà? Donc cette image du maudit français, en fait, vient surtout d'une construction historique. Depuis, en fait, un chercheur québécois avait relevé que ce rejet du maudit français venait en fait de très loin, d'un rapport entre une France révolutionnaire, moderne et laïque, donc au moment de la Révolution française, et un Québec qui était à ce moment-là un Québec traditionnel et de plus en plus anglicisé, voire américanisé. Donc il y avait vraiment une opposition au moment de la Révolution, puisque le Québec était resté religieux, alors que la France, elle, était devenue laïque, et il y a eu vraiment une scission à ce moment-là en termes de mentalité. Alors il y a également un deuxième facteur plus tard, c'est dans les années 50, après la guerre, enfin les années 50, même plus tard, les années 70, après la guerre d'Indochine et après la guerre d'Algérie, beaucoup de migrants français sont partis au Québec et sont partis avec un esprit, entre guillemets, de colonisateur pour aller éduquer, pour aller civiliser le petit Québécois. Et se sont vraiment considérés comme des éducateurs et ont intégré la plupart d'ailleurs l'enseignement, puisqu'on manquait d'enseignants au Québec, puisque dans les années 70, au moment de la Révolution, 60-70, au moment de la Révolution tranquille, donc l'enseignement n'était plus donné par les religieux, mais par des laïcs. Et donc il a fallu recruter des enseignants. On n'avait pas d'enseignants formés au Québec, donc on a fait venir des Français. Et ces Français, bien sûr, ont considéré qu'ils avaient. Ils étaient valorisés puisqu'on manquait d'enseignants et ont vraiment se sont considérés comme des éducateurs. Et dans tous les discours, en tout cas quand on côtoie les Québécois, c'est quelque chose qui est resté présent jusqu'à aujourd'hui, l'image de ce maudit Français qui se croit supérieur et qui vient nous civiliser. Et le rapport est conflictuel avec la société québécoise essentiellement par ce facteur qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui commence à s'effacer un petit peu, mais qui a vraiment été transmis de génération en génération. Et pour l'avoir vécu, beaucoup de Québécois m'ont parlé justement de ce caractère hautain du français qui est d'ailleurs un ressenti à l'inverse du Québécois qui se sent dégradé et qui considère qu'il est inférieur de manière linguistique, qu'il n'a pas le bon français. Voilà, il a un français moins bon que le nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est dit, qui est véhiculé en fait parmi la société québécoise. Et donc, ce rejet que fait le Québécois du français, bien sûr, a vraiment influencé sur les relations des Bretons que j'ai rencontrés avec la société québécoise. Et bien sûr, la plupart on se sont sentis rejetés par les Québécois, même si d'un côté, ils étaient valorisés par leur identité bretonne. Mais n'empêche que c'était aussi des Français. Alors, s'ils arrivaient à se présenter en tant que Bretons, c'est vrai que c'est quelque chose qui passait mieux, mais s'ils n'avaient pas le temps ou le contexte faisait qu'ils étaient perçus, catégorisés comme Français, effectivement, ça leur a créé des problèmes relationnels. Et beaucoup de Bretons, d'ailleurs, se sont tournés, plutôt que de se tourner vers la société québécoise, se sont tournés vers les autres communautés migrantes, donc se sont considérés comme des migrants. Et d'ailleurs, dans la plupart dans leurs discours, c'est quelque chose qui est très présent. On restera toujours des migrants. Malgré qu'ils parlent la même langue, le français, ils resteront toujours des migrants. Alors donc, du coup, beaucoup de Bretons se sont tournés vers un autre réseau de sociabilité, donc un réseau de sociabilité international, ou vers le milieu associatif breton, donc beaucoup plus réduit. Notre moyen aussi que ces Bretons ont utilisé pour se socialiser, ça a été surtout les enfants. Et donc les enfants, tout simplement, qui ont été facilitateurs de contact à la sortie de l'école, par exemple, où on rencontre d'autres migrants ou d'autres Québécois. Et il s'est avéré effectivement qu'ils ont rencontré beaucoup plus de migrants, finalement, que leur réseau de sociabilité était plus international, finalement, que Québécois. Également la condition d'ouvrier pour certains. Certains ont intégré un milieu ouvrier et dans le milieu ouvrier, on retrouvait beaucoup de migrants. Donc tout simplement, ils ont créé leur réseau à partir de leurs conditions de migrants et leurs conditions d'ouvriers. La difficulté de relation avec les Québécois, en tout cas, c'est ce que j'ai noté moi dans le cadre des entretiens pour ceux que j'ai rencontrés dans la ville de Québec, puisque en fait mon étude, enfin j'ai essayé en fait d'avoir des représentations de Bretons un petit peu partout au Québec, c'est-à-dire pas me cibler seulement sur Québec ou Montréal, mais de partir en Gaspésie par exemple. Enfin j'ai essayé d'avoir au moins un cas dans chaque région pour essayer de voir la représentation selon les régions. Et effectivement, dans la ville de Québec, les migrants bretons dans la ville de Québec ont exprimé davantage encore de difficultés que ceux, par exemple, habitant à Montréal ou ceux habitant en Gaspésie. Et dans la ville de Québec, c'est quelque chose qui est très très fort, tout simplement parce qu'il y a peu de migrants dans la ville de Québec, que le fait français est très fort, qu'il y a un rejet un petit peu de tout ce qui vient de l'étranger parce qu'ils ont peur de perdre leur langue, hein, leur particularité linguistique. Il n'y a que 2,25% de 2,25% de la population québécoise métropolitaine qui est migrante. Donc c'est vraiment très restreint. Par contre, à l'inverse, dans les régions isolées, comme en Gaspésie par exemple, où beaucoup de Québécois, par exemple de Montréal ou de Québec, partent en Gaspésie, donc à 14 heures de route, pour habiter, tout ce qui vient de l'extérieur, de toute façon, est étranger, que ce soit des Québécois ou des Bretons, ou des Français, ou des Marocains. Donc finalement, tout ce qui vient de l'extérieur est étranger. Donc là, tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Et on est vraiment, là, apparemment, dans les discours, aucun problème d'intégration avec la société québécoise, un bon relationnel, dans des régions, isolées. Voilà. Alors, voilà, j'ai passé un petit peu le diaporama. Une deuxième chose que j'ai essayé de voir aussi, donc outre le réseau de sociabilité qu'ont établi les Bretons, c'est surtout les modes et stratégies d'adaptation qu'ils ont dû adopter pour pouvoir mieux s'intégrer à la société québécoise. Alors certains ont dû rejeter, certains ont dû soit maintenir, soit rejeter, ou soit métisser leurs particularités culturelles. Alors ça a été d'une part ciblé autour de tourner vers leur accent, puisque c'est nous, les Français, qui avons un accent hein, au Québec. Certains ont eu la nécessité d'adapter leur langage, hein, que dans le milieu professionnel, par exemple, en milieu de la restauration, pour les éléments de cuisine qu'on utilise, qui sont différents. Donc, ils ont métissé leur langage, ils ont adopté le langage québécois. Certains se sont un petit peu forcés aussi à adapter ce langage, hein, pas forcer l'accent, parce que très vite, on se rend compte qu'on n'imite pas l'accent québécois comme ça, et que de toute façon, les Québécois, même si on imite leur accent, ils verront de toute façon qu'on est français. Mais par contre, vraiment métisser leur langage, surtout dans leur milieu professionnel, pour mieux s'intégrer. Donc, utiliser le langage local. Hein, on ne dit pas une casserole, on dit un chaudron. Voilà, on ne dit pas une boîte aux lettres, on dit une malle. Donc, c'est tout ce petit vocabulaire du quotidien qu'il faut adapter. Et certains. Enfin, c'est surtout la seconde génération de migrants, puisque j'ai étudié, en plus des 35 personnes de première génération, j'ai étudié 20 personnes en fait qui étaient issues donc de la seconde génération de migrants, donc les enfants de migrants nés au Québec. Eux, par contre, ont adopté un langage québécois et un accent volontairement, parce que la plupart ont été victimes de discrimination dans les écoles québécoises, parfois assez violentes. Hein, ces enfants en fait, ont cherché à adopter ce langage tout simplement pour se fondre à la population québécoise, et surtout à leurs camarades québécois. Donc, d'un côté, en fait, pour les migrants qui ont eu des enfants au Québec, en fait, ça a créé d'un côté des parents migrants et de l'autre côté des enfants brito-québécois, en fin de compte, d'origine bretonne, mais d'identité québécoise et en tout cas de nécessité de se sentir québécois. Alors, ils ont adapté, bien sûr, leur langage. Ils ont adopté, bon, vous vous en doutez, hein, leur habitude vestimentaire pour tout simplement s'acclimater au froid glacial du Québec. Donc là-dessus, il n'y a pas eu, enfin, en tout cas, dans les discours, ça n'a pas été quelque chose de problématique, hein, pour une ou deux personnes, ça a été un facteur de retour, hein, mais c'est vraiment une minorité, en tout cas dans le corpus que j'ai étudié, et non pas un réel. Bon, ça a été en majorité quelque chose qu'ils ont assez bien adapté. Dans leur pratique, par contre, alimentaire et culinaire, j'ai pu observer aussi des métissages qu'ils ont dû réaliser, en fait, entre leur cuisine bretonne ou française, parce que aussi certains cuisinent français, hein, comme vous et moi. Ils ont métissé leur habitude de cuisine et leur habitude culinaire, donc en gardant une base toujours bretonne ou française, et en adoptant aussi des habitudes québécoises, comme par exemple les heures de repas qui ne sont pas les mêmes, ou des ingrédients qu'ils n'avaient pas eu l'habitude d'utiliser quand ils étaient dans leur territoire d'origine. Enfin bon, c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon sur toutes les diasporas. Là où ça a été un peu plus, où les témoignages ont été un peu plus forts et beaucoup plus importants, ça a été au niveau de leur manière d'être et de penser. Puisque la façon de penser québécoise et la façon de penser française en général est assez différente, et en milieu professionnel, ça leur a causé quelques soucis, notamment le français, en tout cas, c'est breton qui m'en ont parlé, donc c'est la manière dont ils se voient. Donc ces français, ces bretons, se considèrent comme des personnes qui rentrent plus facilement en conflit. Et beaucoup m'ont dit, oui, effectivement, nous les français, les Français et les Bretons, enfin compris dans les Français, on est beaucoup plus conflictuel, alors que le Québécois est quelqu'un de consensuel. On essaie toujours de trouver un consensus avant de rentrer en conflit. Et d'ailleurs, beaucoup de Québécois perçoivent les Français comme des gens qui n'arrêtent pas de s'engueuler, que ce soit en politique, que ce soit en famille, que ce soit parce que les discours sont un peu énergiques. Et quelque chose que nous, on considère comme tout à fait normal, c'est une discussion, c'est un échange, eux vont le considérer comme un conflit. On n'a pas du tout le même rapport. En fait, hein, relationnel. Et du coup, ça leur a causé quelques soucis en milieu professionnel, parce qu'en milieu professionnel, on est amené à donner son avis, à le dire franchement. Et souvent, le Québécois, lui, sentait que c'était une agression, en fait. Donc, était plutôt, lui, dans une démarche de consensus, d'adaptabilité à la situation. La hiérarchie, par contre, le système hiérarchique québécois a été un soulagement pour la plupart des migrants dans leur discours, hein, c'est ce qui est apparu. Donc une hiérarchie beaucoup moins présente au Québec, un soulagement par rapport au système français, beaucoup moins d'échelonnage en fait entre les ouvriers, les patrons, etc. Et du coup des relations beaucoup plus souples. Donc ça c'est quelque chose, c'est plutôt un point positif. Donc des relations aussi donc moins conflictuelles et moins stressantes par rapport à la France, par rapport à ce côté moins hiérarchique. Un cadre de vie aussi plus paisible qui a été mentionné dans la société québécoise, et un très bon accueil des fonctionnaires dans les différentes administrations publiques, beaucoup plus agréable qu'en France. Par contre, le côté négatif qui est ressorti encore dans le cadre dans le milieu professionnel, c'est surtout cette superficialité des relations avec la société québécoise, le fait de ne pas pouvoir créer des relations plus profondes qu'une relation bonjour, bonsoir, et la difficulté effectivement d'aller plus loin dans le relationnel professionnel, et donc une superficialité québécoise qui pour certains bretons a été insupportable au point de devoir de décider de rentrer en Bretagne tout simplement parce qu'ils ne se faisaient pas du tout à ce type de mentalité superficielle où on ne s'invite pas très peu, on va boire un apéro à l'extérieur dans un bar, mais on n'est pas invité dans l'intimité de la maison. Être invité chez un Québécois quand on est un migrant, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile, et difficile de passer le pas de la porte. Voilà. Alors, bien sûr, les migrants ont dû aussi adapter leur pratique. Ont essayé de s'insérer dans leur société d'accueil, tout simplement en adoptant des pratiques locales. Alors certains, bien sûr, se sont mis à faire de la raquette, d'autres du ski, d'autres se sont insérés par le milieu associatif. Par exemple, ici on voit un joueur de cornemuse, puisque la cornemuse est très pratiquée au Québec, puisqu'il y a beaucoup d'associations écossaises, beaucoup de migrants écossais. Surtout à Montréal, et certains se sont aussi québécisés puisque ils ont acheté beaucoup de migrants bretons ont acheté un chalet, comme ce qui est de pratique quand on est un bon Québécois, on achète son chalet, en plus de sa résidence principale, on achète un chalet en campagne pour aller y passer les vacances d'été ou les vacances d'hiver. Et ça, c'est vraiment une pratique qui fait partie, voilà, d'identité québécoise. Tout le monde a son chalet, enfin, c'est pas possible de vivre sans son chalet. On a tous une résidence secondaire. Voilà, donc la plupart des migrants bretons que j'ai rencontrés ont fait opérer également cette action d'acheter un chalet et de se québéciser par ce biais. Alors, au-delà de ces aspects visibles, il y a aussi des aspects un peu moins perceptibles, mais qui est apparu dans les discours. La manière de s'intégrer à la société québécoise a été aussi de prendre la citoyenneté canadienne. Alors, dans les discours, il apparaît quand même, enfin, en tout cas pour 24 des personnes que j'ai rencontrées, qui ont obtenu en fait la citoyenneté qui est canadienne, ça a été surtout le choix de cette citoyenneté a été surtout pour des questions pratiques en fin de compte et non pas pour des questions identitaires. C'était surtout pour par rapport au mariage, enfin les migrants qui se sont mariés sur place, pour une libre circulation à l'intérieur du Canada pour que ça soit plus fluide, pour les allées et venues aussi entre la Bretagne et le Québec, en cas de bien sûr de chômage également, pour obtenir une bourse universitaire. Beaucoup plus de facilité également quand on est Canadien et également pour l'accès à la formation. Donc le statut de Canadien permettait simplement pour ces migrants de détenir des droits, mais pas réellement de se sentir mieux d'un point de vue identitaire. Par contre, pour certains, obtenir la citoyenneté canadienne dans les années 60-70, au moment la révolution, voilà, la révolution tranquille, ça a été aussi un moyen de s'engager politiquement pour défendre les valeurs de la province de Québec, le fait français au Canada. Donc le fait d'être citoyen canadien, ils ont pu aussi donner par leur vote, par les élections, leur positionnement par rapport justement au fait français et à la défense, à la souveraineté du Québec, la souveraineté linguistique. Donc ces migrants ont cherché à participer à leur société d'accueil, également aussi en suivant l'actualité québécoise, donc en lisant la presse, le Soleil, enfin des revues locales, et bien sûr en votant aux élections provinciales. Certains aussi ont suivi les défilés de la Saint-Jean chaque année, qui est vraiment la fête nationale québécoise, donc tout simplement par soutien à la cause minoritaire, et certains vraiment prennent ce défilé de la Saint-Jean comme vraiment une manière aussi de revendiquer leur identité bretonne. Alors j'ai pas pensé à insérer cette photo, mais j'ai obtenu une photo d'un des migrants où on voit effectivement quelques Bretons avec une banderole marquée « Vive la Bretagne libre, vive le Québec libre ». Dans les années 60-70. Et c'est assez étonnant parce que c'est le défilé de la Saint-Jean, le défilé de la fête du Québec, et les Bretons en profitent pour glisser un petit clin d'œil. Voilà, donc c'est assez particulier. La photo date des années 60, donc en 62, quand le général de Gaulle est venu au Québec. Donc c'était un moyen aussi de montrer au général de Gaulle que les Bretons auraient voulu aussi avoir leur indépendance linguistique. Voilà. Donc finalement, la société québécoise représente vraiment pour les migrants que j'ai rencontrés un moyen d'expression de leur identité culturelle et intellectuelle, vraiment en opposition à ce qui se passait en tout cas en France à cette époque-là. La plupart des Bretons, au niveau du temps, c'est correct. D'accord. Oui. Donc, par rapport à la manière de se projeter un petit peu dans leur avenir, est-ce que ces Bretons ont envisagé plutôt de revenir en territoire d'origine ou de s'installer en territoire d'accueil ? Par rapport à cette question, les avis ont été assez partagés, parce que incertains aussi. Beaucoup, quand ils sont arrivés dans les années 50-70, ont pris vraiment cette expérience du Québec comme une expérience. Ne sont pas partis en se disant, voilà, je pars pour toujours, j'émigre, je ne reviendrai jamais en Bretagne. Ils ont vraiment pris ce départ comme une comme une expérience. Et beaucoup sont restés 20, 30 ans et ils sont encore. Alors, il y a toujours, dans les discours, ce qui est ressorti, c'est que on espère, on dit toujours « je reviendrai ». Je reviendrai, il est certain que je reviendrai. Et les années passent, et puis tout le monde dit je reviendrai. Et effectivement, j'ai rencontré des gens qui ont 80 ans, des migrants bretons au Québec, et qui disent toujours je reviendrai. Alors bon, bien sûr, je dis oui, j'ai envie de revenir en Bretagne, mais maintenant j'ai les enfants, j'ai les petits-enfants au Québec, comme ce qui se passe dans la plupart des diasporas, hein, des migrants bretons, des migrants. Effectivement, le fait d'avoir la présence des enfants et des petits-enfants en territoire d'accueil freine le retour. Et souvent, bah, bien sûr, ces migrants finissent par avoir une pendularité entre territoire d'accueil et territoire d'origine et d'effectuer des va-et-vient, voire pour certains, en tout cas, ça a été le cas pour les Bretons que j'ai rencontrés, certains ont acheté des résidences secondaires en Bretagne et ils viennent y passer 6 mois et 6 mois au Québec, donc 6 mois dans leur territoire d'origine pour garder un lien et 6 mois dans leur territoire d'accueil pour pouvoir voir les enfants et les petits-enfants. Par contre, les facteurs qui ont été évoqués par rapport au choix aussi, parce que certains ont fait le choix de s'installer au Québec, ça a été surtout donc une certaine liberté d'expression qu'on retrouve au Québec et qu'on n'a pas en France. Donc c'est ce qui a été évoqué par mes interlocuteurs et qui est bien sûr favorisé par ce principe du multiculturalisme canadien qui donne une certaine ouverture d'esprit, hein, bien sûr, contrairement à l'État-nation, hein, ou enfin, en tout cas ce qu'on peut ressentir dans le cadre de l'État-nation un et indivisible, où on a beaucoup moins l'expression de cette identité, de cette appartenance culturelle ou d'une appartenance culturelle particulière au sein d'une appartenance culturelle plus globale. Donc pour ces familles, hein, ces familles bretonnes, le multiculturalisme représente vraiment une richesse culturelle. Un moyen aussi de circuler, hein, de manière internationale, puisque les États-Unis sont à côté, etc. Il y a une liberté culturelle qui est beaucoup plus présente qu'ici. Donc ce sentiment de liberté, en tout cas dans les discours, a été aussi accentué par le sentiment des grands espaces. Bien sûr, les grands espaces du Québec, quand les migrants rentrent en France, se sentent étouffés, se sentent asphyxiés par rapport à un territoire qui est beaucoup plus réduit, où on est beaucoup plus dense sur un même territoire. Voilà, donc c'est ce qui est ressorti dans les discours. Hein. Et pour ce qui est donc, je vais terminer là-dessus, des liens que les migrants ont construits avec leur territoire d'origine. Alors bon, ces liens se sont manifestés de différentes manières. Bien sûr, il y avait le lien qui a été maintenu avec la famille. Alors pour certains, hein, parce que certains ont vraiment maintenu des liens très profonds depuis leur arrivée, même pour ceux arrivés dans les années 50. Et ce lien, bien sûr, c'est maintenu encore plus avec l'apparition des nouvelles technologies, les moyens de transport dont le coût a réduit, etc. Donc des va-et-vient plus fréquents, soit des migrants d'origine, ou soit de la famille au Québec. Mais pour certains, par contre, ces liens se sont, au fil du temps, se sont affinés. Se sont réduits en fait et petit à petit en tout cas certains migrants ont senti que les liens se déliaient, devenaient superficiels tout simplement parce que la vie vécue par ce migrant en terre d'accueil était très différente de celle vécue par la famille restée au pays et aussi certains m'ont fait part d'un décalage culturel qu'ils ont ressenti, des choses qu'ils exprimaient par exemple soit par téléphone soit au moment de leur retour ponctuel en Bretagne. Un décalage culturel de choses que leur famille ne comprenait pas, soit en termes de mode de comportement ou d'état d'esprit. Et souvent, bah, les migrants m'ont parlé, oui, effectivement, bah, quand on rentre en France, on trouve que c'est fermé, on trouve des petites choses, des petits détails. Pourquoi on ne met pas de sas d'entrée et pourquoi on ne s'enlève pas ses chaussures quand on rentre dans une maison on devrait tous faire ça même s'il n'y a pas de neige en Bretagne, mais on devrait tous faire ça. Les habitudes de vie qui pour eux sont devenues complètement naturelles au Québec, mais qui ont pris une importance énorme. Et quand ils rentrent en France, effectivement, et dans leur famille bretonne, c'est des choses qui les étonnent. Et plein de petits détails comme ça, par rapport au relationnel aussi avec la population migrante, qui est un relationnel très différent au Québec qu'ils ont appris, avec lequel ils ont appris à vivre. Et quand ils rentrent, effectivement, ils retrouvent un relationnel avec les migrants, avec les immigrants, comme on les appelle ici, très, très, très différent. Donc plein de petits détails comme ça. Alors oui, pardon, pour certains également, hein, pour un tiers des personnes que j'ai rencontrées, ces liens familiaux n'existaient pas déjà au moment de la migration, c'est-à-dire beaucoup, enfin quelques personnes, hein, ça ne représente pas la majorité, mais sont partis tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes familiaux. Donc ils sont partis vraiment pour rompre le carcan familial et se détacher de ce carcan familial. Donc 6000 kilomètres permettaient simplement d'évacuer, hein, de repousser ces problèmes familiaux. Voilà. Alors au niveau des relations amicales, les migrants que j'ai rencontrés, pour 10 d'entre eux, 10 sur 35, donc ont gardé des contacts réguliers, hein, avec leurs amis restés en France, soit par lettre, par courrier ou par téléphone, ou des séjours, hein, des uns et des autres dans les territoires d'origine et d'accueil. Mais toujours avec ce décalage culturel ressenti au moment du retour. Toujours, ça c'est quelque chose qui a été évoqué, que ce soit avec la famille ou avec les amis, et qui gêne la relation amicale, le maintien de cette relation amicale. Alors, au-delà des liens familiaux ou amicaux, il y a eu aussi, bien sûr, un moyen simple, hein, de garder contact avec la Bretagne. Ce sont des liens culturels, donc soit par le biais des associations bretonnes qu'ils fréquentaient, qui éditaient également un journal. Donc, dans les années 50, on avait Bretagne Canada, qui était édité donc à Lorient. Il y a eu, moi j'ai retrouvé seulement 3 numéros. Je ne sais pas s'il en a existé d'autres, mais je n'ai retrouvé que 3 numéros. C'était le père Arthur, donc un ancien missionnaire, qui avait édité Bretagne Canada, justement pour donner des nouvelles aux familles de migrants restées en Bretagne, de leurs compatriotes, enfin de leurs concitoyens, pardon, restés partis au Québec. Donc ça permettait de garder le lien entre les familles bretonnes ici et les migrants du Québec, de donner des nouvelles de ces migrants. Donc les migrants apportaient des témoignages de leur vécu au Québec et au Canada plus largement, puisque c'était Bretagne-Canada, sur l'ensemble du Canada, et donner des nouvelles comme ceci à leur famille. Et l'Union des Bretons du Canada, bien sûr, diffuse, hein, depuis les années 60, un journal qui s'appelle En Amser, Le Temps, diffusé depuis 72 exactement, et qui permet, donc qui est édité au Québec, et qui permet simplement de donner des nouvelles et des l'actualité culturelle, politique, etc., de Bretagne, donc qui permet aux migrants de garder ce lien par le biais de ce journal. Alors d'autres, bien sûr, hein, au Québec, se sont abonnés à Armen, Bretagne Magazine, à IA, au peuple breton, pour garder ce lien avec la Bretagne, et pour certains avec la langue bretonne, puisque certains sont abonnés aussi à des revues en langue bretonne. Donc en fin de compte, ces Bretons ont essayé de constituer à 6000 km ce qu'Anderson et ce que M. Le Quadic avait repris aussi, une communauté imaginée par tous ces liens. Ces liens, que ce soit familiaux, amicaux ou culturels, ou voire même citoyens, puisque certains gardent en fait beaucoup contact avec l'actualité bretonne. Par contre, dans les discours, votent aussi par procuration régionale, ce qui est assez, assez curieux, puisque quand même détaché, hein, de tout ce qui se passe en France. Et par contre, n'ont pas manifesté d'intérêt pour la politique française. Donc très peu, en fin de compte, votent par procuration aux élections nationales françaises. Donc c'est vrai que le corpus que j'ai rencontré, le fait peut-être aussi que je travaille sur l'expression de cette identité, cette appartenance culturelle bretonne, m'a fait rencontrer des gens qui se sentaient détachés en fait de ce qui pouvait se passer en France et n'avaient pas de lien particulier avec l'actualité française et avec n'était pas investi en tout cas pour les élections. Alors en conclusion, Donc en fait, je pourrais dire que parmi tous les migrants que j'ai rencontrés, j'ai dégagé des profils, en fait, des profils de migrants qui en fait correspondent à peu près à ce qu'avait noté Yannick Sansebé, en fait, qui avait travaillé aussi sur les migrations. En fait, j'ai distingué effectivement ceux que j'ai appelés ceux qui sont d'ici et de là-bas, comme le nomme Yannick Sansebé, c'est-à-dire des migrants qui ont rompu, pardon, qui ont gardé des liens forts avec la Bretagne, mais qui ont aussi en même temps voulu exprimer cette appartenance culturelle en territoire d'accueil, mais aussi tout en s'intégrant à la société d'accueil. Donc pas une rupture ni une adhésion totale à la société québécoise, mais un entre-deux, hein, vraiment un entre-deux entre territoire d'origine et territoire d'accueil. Donc un partage entre cet espace investi et cet espace donc investi, le Québec, et cet espace investi, la Bretagne, et cet espace vécu, le Québec. Donc cette position d'entre-deux a bien sûr été confortée par la possibilité de faire des allers-retours de plus en plus fréquents, hein, grâce aux moyens de communication, et d'exercer donc cette pendularité entre les deux territoires. Et beaucoup vivent dans cet entre-deux et se sentent vraiment à l'aise dans cet entre-deux, se sentent breto-québécois comme ils se qualifient. Et donc vivent vraiment dans une multi-appartenance, hein, partagée entre deux territoires. Ensuite, un deuxième profil de migrants, c'est ceux qui sont d'ici mais de là-bas, c'est-à-dire ceux qui sont physiquement au Québec, mais qui finalement ne pensent que par la Bretagne et ne vivent qu'au Québec parce que voilà, ils ont un emploi, ils ont une situation qui leur permet de rester au Québec, mais qui finalement ne vivent que à travers la Bretagne, et qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas finalement à s'intégrer, et où là il y a vraiment séparation entre l'espace vécu et l'espace investi. Et il y a aussi ceux qui sont de là-bas, non, ceux qui sont d'ici, pardon, ceux qui sont d'ici. Donc ceux qui sont d'ici, c'est ceux qui sont donc du Québec, qui n'ont pas gardé de lien fort, hein, donc la dizaine de personnes que j'ai rencontrées dans cette situation, qui n'ont pas gardé de lien fort avec la Bretagne et qui d'ailleurs ne manifestent pas du tout de volonté de garder de lien, ni d'exprimer leur appartenance culturelle bretonne, ou même voire française en territoire d'accueil, et qui pensent que ce sont les conditions nécessaires pour s'intégrer à la société québécoise. Et donc parmi ces personnes, d'ailleurs, des personnes qui ont opté plutôt pour une exogamie québécoise ou internationale plutôt que bretonne. Par contre, donc voilà, je vais arrêter là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, en tout cas, ce que j'ai perçu à travers leur discours, c'est que ce cadre politique du multiculturalisme, pardon, au Québec et au Canada, a favorisé vraiment leur expression culturelle, leur a permis de se définir en tant qu'autre, en tant que différent, tout en souhaitant participer à leur société d'accueil, tout en voulant s'intégrer, donc vraiment. Essayer de valoriser leur identité tout en s'intégrant. Alors c'est bien sûr ce contexte multiculturaliste, hein, qui a favorisé cette possibilité d'expression culturelle, mais aussi la reconnaissance que peut avoir la société québécoise, qu'on appelle là-bas le peuple québécois, une notion de peuple qui n'a pas la même, enfin, la même signification qu'ici en France, où on utilise, hein, cette notion de peuple québécois sans avoir de pensée nationaliste ou ségrégationniste. Et donc cette reconnaissance du peuple québécois a facilité aussi leur propre reconnaissance. Donc ils se sont servis de cette reconnaissance du peuple québécois pour mieux valoriser leur différence et leur statut de groupe minoritaire, qui se considère, c'est un statut qui est en fait partagé avec la société québécoise et qui a d'ailleurs facilité leur lien avec les Québécois pour certains. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc moi, l'intérêt du travail de la thèse, c'était aussi de voir comment en fait on peut, dans une société multiculturaliste, une société où les groupes ont leur expression, où on accepte leur expression, puisque c'est le cas au Québec, on leur donne la possibilité de s'exprimer, comment dans cette société, en fait, on a aussi donc la possibilité de s'exprimer, mais aussi de revendiquer une appartenance au Québec, moins fréquemment au Canada, mais en tout cas une appartenance au Québec et de valoriser cette appartenance, donc de se situer vraiment dans une multi-appartenance et l'une ne prend pas le pas sur l'autre et de pouvoir vraiment vivre ces deux appartenances. Donc l'intérêt pour moi, c'était aussi d'éclairer ce qui se passait en France et de pouvoir aussi aider à changer la vision qu'on peut avoir de l'identité et de l'appartenance culturelle en Bretagne et plus largement en France. Voilà. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai débordé. Non, mais ça vous savez, maintenant on ne fait plus beaucoup de pauses. Avant on en faisait tout le temps. On boit le café avant, maintenant on mange de pause. Donc voilà, la parole est à la salle pour les questions. On a une petite demi-heure à peu près pour. J'ai réservé le resto à 13h pour ceux pour les nombreux qui restent. Voilà, si vous voulez. Bon, en général, je commence pas à poser les questions. Peut-être une question sur le multiculturalisme. C'est vrai que à Montréal, enfin, je connais un petit peu parce que ma fille en fait, a immigré à Montréal depuis quelques années déjà. On a l'impression que enfin, c'est des communautés assez nombreuses qui sont chacune dans leur domaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui matérialise je dirais, la communauté, si elle existe vraiment, des Bretons de Montréal par exemple? Je dirais en termes de lieux matériels, d'endroits, de lieux de rencontre, de lieux de manifestation culturelle. C'est parce qu'il nous semble aussi que je dirais, les éléments multiculturels sont quand même favorisés par la société québécoise. Mm-hmm. C'est-à-dire que les moyens en général sont donnés pour que les communautés puissent faire vivre leur culture. Et aujourd'hui, quelle est la trace matérielle des La trace matérielle, bon, c'est bien sûr l'Union des Bretons du Canada qui a son siège dans un collège. Alors, c'est assez particulier parce que c'est vrai que quand on cherche, quand on arrive, qu'on est breton et qu'on dit oh, il faut absolument que je trouve des concitoyens, il faut que je retrouve d'autres Bretons, sinon je vais jamais tenir le coup. C'est difficile de trouver cette association parce qu'elle n'a pas de siège, de lieu qui lui appartient réellement. Donc bien sûr, aujourd'hui c'est par le biais du net hein, qu'on trouve le réseau de l'association. L'Union des Bretons du Canada. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de lieu physique, comme l'Union des Français à Montréal a par contre un lieu physique, hein, mais l'Union des Bretons n'a pas de lieu physique. Donc c'est problématique. C'est pour ça que l'Union des... Il y a 400 adhérents en fait à l'Union des Bretons à Montréal. C'est une goutte d'eau, hein, 400 personnes, c'est vraiment... Donc c'est sûr que l'image de ce regroupement de Bretons n'est pas très forte. Après, c'est plutôt un lien, en fait. C'est un lien qui est un petit peu virtuel, hein, parfois, hein, parce que des fois, l'association des Bretons des États-Unis rentre en contact avec l'association des Bretons du Canada et ça crée des liens, des échanges aussi, soit parce qu'il y a un Breton qui est arrivé au Québec et qui, quelques années plus tard, a envie d'aller aux États-Unis. Du coup, on le fait passer par... Donc, ça crée une toile, en fait, un réseau, mais n'a pas... c'est vrai que c'est la manifestation physique. Alors, de plus en plus, l'Union des Bretons du Canada se montre à l'extérieur, donc essaie de rentrer en contact aussi avec la société québécoise et les autres communautés culturelles migrantes en organisant par exemple des fest-noz ouverts à tout le monde et pas forcément seulement aux adhérents. Donc de plus en plus, par exemple, il y a un événement qui s'appelle Noël dans le parc, qui est dans un parc à Montréal, qui est au central, c'est le parc où se passent tous les événements, et où les Bretons organisent un fest-noz au moment de Noël, donc fest-noz avec des grosses mitaines et puis... habillée chaudement, et où là, la population québécoise vraiment a contact avec cette société bretonne. Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit déjà par les mariages, parce qu'il y a aussi des Bretons qui sont mariés avec des Québécois qui ont quand même adhéré à cette association, et qui sont d'ailleurs très investis, des Québécois qui sont les premiers, qui sont les meneurs dans les chaînes de danse, par exemple, et qui dansent aussi bien la gavotte que n'importe quel Breton. Et on voit que petit à petit, il y a des métiers qui se crée au sein de l'Union des Bretons. Donc c'est vrai que la matérialisation n'est pas évidente de cette association, mais petit à petit, en fait, ils essayent de faire des activités extérieures pour s'ouvrir, en fait, tout simplement à ce qui les entoure. Il n'y a pas de lieu permanent, un chambre de café ou... Alors, il y a, effectivement un café qui s'appelle le Yermat à Montréal, qui est un rassemblement effectivement de Bretons. C'est assez étonnant quand on va là-bas, parce qu'on se retrouve pratiquement qu'avec des Bretons, même s'ils ont l'accent québécois, mais ce sont des Bretons. Enfin, pour moi, ils ont l'accent québécois, mais ce sont quand même des personnes originaires de Bretagne, qui sont indépendantes de l'association de l'Union des Bretons. Il y a une scission à l'intérieur même. C'est pour ça que certains immigrants trouvent que finalement les Bretons ne sont pas très solidaires en terre d'accueil, parce que il y a même des scissions d'associations, alors qu'ils devraient plutôt avoir tendance à se regrouper. Et le Yermat est un bar, effectivement, où on voit plutôt des personnes d'un certain âge, on ne voit pas beaucoup de jeunes bretons, des personnes plutôt d'un certain âge qui ont émigré, effectivement, déjà dans les années 50-70, et où il y a même carrément, enfin, on sent, enfin, moi j'ai été plusieurs fois au Yermat, on sent bien que les discussions tournent beaucoup autour de la politique, en fait, la politique linguistique, et c'est des bretonnants assez investis politiquement. En tout cas, c'est ce que j'ai senti dans les discours. J'en ai rencontré deux, effectivement, ils m'ont parlé de mouvements politiques, de leurs collègues aussi qui étaient rentrés en Bretagne, qui s'étaient investis dans un mouvement politique breton indépendantiste. Donc c'est plutôt cette image-là que j'ai eue, en tout cas, du Yermat, où ils font aussi des animations culturelles, où il y a des groupes bretons de musique bretonne qui passent dans ce pub. Voilà. En tout cas, c'était le QG des Brestois qui sont descendus à Montréal quand la Jeanne d'Arc y était. C'est au Yermat. Au Yermat, oui. Ceci explique peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Ça a peut-être influencé sur l'état d'esprit. Mais par contre, le bar a été... Enfin, le patron du bar aujourd'hui, c'est un fils de Breton, mais né au Québec, donc un Québécois, mais d'origine bretonne. Donc le bar continue quand même à être tenu par un Breton. Je sais pas d'où il est, mais c'est possible. C'est synonyme. Moi, je voudrais poser une question. Il me semble quand tu as rédigé ta thèse, tu avais une référence constante à l'ethnicité. Mm-hmm. Et moi, ça me gênait un peu. J'en ai discuté. Et puis là-bas, tu as sauté le pas. Et puis quand tu reviens ici, je ne l'ai pas entendu une seule fois. Tu as parlé d'identité culturelle, tu as parlé de multiculturalisme, tout ça, mais tu n'as pas une seule fois fait référence à l'ethnicité. Alors je me demande si c'est la question que je me pose, quoi, globalement. Est-ce que c'est une posture caméléon? Alors cette question d'ethnicité, ça a été un vrai, véritable calvaire depuis le début de ma thèse, parce que c'est effectivement, je suis partie en me disant, oui, il faut pas, enfin, l'ethnicité, non, j'aurais jamais pensé utiliser ce mot pour rédiger ma thèse, en parlant de ce qui se passait, de ce que j'étudiais, en fait, le fait que j'étudiais. Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai entendu ce mot dans toutes les conférences que je suivais sur la diaspora, sur l'immigration, etc. Le mot ethnicité était utilisé de manière totalement fluide, sans connotation raciale ou raciste, connotation nationaliste derrière. Et on parlait d'ethnicité tout simplement pour dire, voilà, il y a une différence culturelle d'un groupe de personnes, et ils ont une différence linguistique, physique, etc. Mais c'est leur particularité, et ça ne posait de problème à personne. Et je me suis dit, effectivement, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui était écrit au Québec sur l'ethnicité et des choses, mais vraiment très différentes de ce qu'on voyait en France. Et j'en ai parlé avec mon directeur de recherche au Québec, qui me disait, ben non, vous pouvez utiliser cette notion d'ethnicité ici, on l'utilise même d'un point de vue politique, enfin, dans les discours politiques, on entend la notion d'ethnicité. Et ça n'a pas du tout référence au nationalisme ou aux indépendantistes. C'est quelque chose, c'est simplement pour parler de la différence culturelle. Et c'est quelque chose qui est intégré dans la société multiculturaliste du Québec et du Canada. Donc je me suis dit, puisque c'est utilisé là-bas, je peux m'autoriser à en parler, puisque ma thèse est réalisée au Québec, bien sûr en co-tutelle avec la France mais, et la Bretagne. Mais ma thèse porte sur des Bretons du Québec, mais ne porte pas sur des Bretons de Bretagne, excepté ceux qui sont rentrés d'émigration. Et là, je me suis retrouvée dans un entre-deux parce qu'effectivement, Monsieur Simon, du coup, m'a dit « Ah, oulala, attention, cette notion d'ethnicité en France, ta thèse, si elle est publiée en France, ça va poser problème, là. On ne peut pas utiliser ce terme d'ethnicité comme ça, sans l'expliquer, etc. Tu vas, ça va être conflictuel. La notion de communauté aussi, puisque au Québec, on parle de communauté culturelle. C'est quelque chose qui est dans le langage. Ici, on parle de communauté en France, on va m'accuser de communautarisme. Donc, c'est quelque chose que je ne pouvais pas utiliser sans l'expliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse. J'ai défini toutes ces notions pour pouvoir dire dans quel sens que je leur accordais, tout simplement. Et récemment, cette année, j'ai publié deux articles en France. Et j'ai gardé cette notion d'ethnicité dans mon texte, sans l'expliciter parce que c'était trop long, ça ne pouvait pas rentrer dans le cadre d'un article. Et donc le retour des rapporteurs qui ont lu mon article et qui donnaient l'aval pour la publication m'ont dit le texte impeccable, etc., mais cette notion d'ethnicité, impossible, c'est pas possible, on peut pas publier avec cette notion. Donc on m'a dit il faut changer cette notion. Donc au lieu de parler de groupe ethnique, on m'a suggéré de parler de groupe de référence. Donc du coup j'ai modifié mon texte et j'ai remplacé tous mes groupes ethniques par groupe de référence. La publication de la thèse est en cours d'évaluation et je pense que c'est encore quelque chose peut-être qui va falloir soit que je modifie pour que la thèse soit publiable ou à ce moment-là que je défende plus explicitement. Et pourtant, enfin, c'est, dans la thèse, c'est clair, hein, j'explique cette notion et la manière dont je l'entends. Après, dans le cas d'articles ponctuels, etc., c'est quelque chose qui me pose souci. Parce que moi, c'est vrai que j'ai aucun mal à l'utiliser aujourd'hui, sans souci, puisque c'est comme ça que je l'ai abordé au Québec. J'ai encore cette vision, mais c'est vrai qu'en revenant en France, effectivement, je me rends compte que c'est pas si facile que ça. Le problème, c'est simplement qu'on a une perception de l'appartenance culturelle ou de l'identité, comme on appelle généralement, très différente de la France, du Québec. Bien sûr, c'est dû à cet état d'esprit d'état-nation, un et indivisible, la non-reconnaissance des minorités culturelles. Et donc, du fait, forcément, influe sur le sens que l'on donne aux mots. De toute façon, c'est quelque chose qui est ancré, puisque ça fait partie de l'État-nation, de la manière dont on conçoit l'État-nation. Donc, bien sûr, moi, mon intérêt, ce serait plutôt d'utiliser le terme d'ethnicité et puis de me défendre pour dire comment je l'utilise et d'expliquer que, justement, il faut s'aider du système québécois, il faut utiliser l'exemple du Québec pour dire, voilà, on peut parler d'ethnicité sans que ça soit problématique. On peut en parler. C'est pas parce qu'on utilise le mot ethnicité qu'il faut que ça soit problématique. Ça dépend tout simplement le sens qu'on lui donne. Au Québec, il utilise dans les discours politiques. On parle de communauté africaine, communauté bretonne, l'ethnie bretonne. Oui, mon directeur me disait votre ethnie. Je partais d'une ethnie. Et on sort ça en France, mais c'est sûr que oui, Donc, effectivement, le rapport n'est pas le même. Moi, c'est sûr que je préférais défendre cette notion. Bon, après, c'est vrai qu'il faut quand même que j'arrive à publier aussi mes travaux. Donc, quand un rapporteur me dit « Bon, ben non, on ne peut pas publier votre travail si vous laissez le mot ethnicité », bon, je me dis « C'est une revue européenne, hein, pourtant. Donc, il y a quand même une ouverture. C'est pas une revue française, c'est une revue européenne. Donc, il y a quand même une ouverture d'esprit avec les Landers en Allemagne, etc. » Ben non, ça passe pas. Donc... C'est vrai que là, je suis un peu dans un entre-deux en ce moment. Donc bon, groupe de référence, pourquoi pas, c'est, finalement, ça signifie la même chose. Hein. Mais pourquoi bannir cette notion d'ethnicité? La notion de groupe a été elle-même mise en cause par le Conseil constitutionnel à propos des langues minoritaires. L'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas ratifier la charte des langues minoritaires, c'est que on envisage d'accorder un droit à un groupe. Il n'y a pas de groupe, en fait. Il n'y a que des individus qui forment une nation. Avec l'État, voilà, il y a un État-nation. Il me semble, moi, que le problème, là, c'est quand même un problème franco-français. C'est un problème franco-français. Le concept d'ethnicité, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Moi, il se trouve que je l'utilise peu pour ces raisons-là, qui sont des raisons faites d'ordre politique. Mais tous les concepts qui sont utilisés pour parler des minorités en France, tous sont critiqués. Et même jusqu'à la notion de groupe. Il ne faut pas parler de groupe. Voilà. Le Conseil d'État, enfin le Conseil constitutionnel, pardon, met en cause l'utilisation d'un mot groupe. Il ne peut pas y avoir de droit des groupes, il ne peut pas y avoir de groupe. Donc il n'y a pas de groupe. L'expression identité qui a été en fait lancée par la gauche à la fin des années 70, plutôt début des années 80, pour remplacer l'expression qui avait avant minorité nationale, qui était une expression qui paraît, même l'expression d'identité maintenant est devenue aussi extrêmement critiquable. Tout ce qui permet, en fait, je me suis aperçu que tout ce qui permet de dire nous, sans être nous les Français, tout ce qui permet d'être employé à la première personne du pluriel est critiquable. Par contre, on peut encore parler de la diversité. Voilà. Hein, mais voilà. Voilà, on peut pas dire je suis divers, quoi. Hein. Je ne suis pas divers, voilà. Donc on peut dire j'ai une identité ou j'appartiens à un groupe, mais non, ça, tous les concepts. Donc il me semble, moi, qu'il faut choisir les concepts qui vous paraissent les plus adaptés. Bien sûr, oui. Ces concepts, il faut dire aussi quelque chose, c'est que le Québec, le Canada en général, l'Amérique du Nord en général, sont à des années-lumière de la réflexion française sur la diversité, sur la pluralité, etc. Bien sûr, oui. Ils sont beaucoup plus avancés, à la fois sur le plan sociologique dans la description, sur le plan philosophique, dans la réflexion sur ce sujet-là, et puis aussi dans les politiques. Bien sûr, oui. Donc à vous de choisir, et puis de prendre, à mon avis, enfin moi c'est ce que je dirais, mais en même temps, évidemment il y a des risques. Mais autrement, on ne peut rien dire. Non, c'est vrai, enfin, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est sûr que je préférais de toute façon... déjà, le fait de ne pas utiliser cette notion, c'est un peu déconstruire ce que j'ai construit, en fin de compte. Puisque le résultat de mes recherches, enfin, je le dis en conclusion dans ma thèse, c'est effectivement que ce qui se passe au Québec, le système de multiculturalisme, de reconnaissance, etc., peut nous éclairer sur ce qu'on pourrait faire en France. Donc si je n'utilise pas cette notion d'ethnicité, c'est que voilà, du coup je réfute tout ce que j'ai démontré finalement, enfin en tout cas une partie de ce que j'ai voulu démontrer. Donc effectivement, moi je préférais laisser cette notion. Après, comment se positionner face à un éditeur, ça c'est... Bon, là ça pourra peut-être s'arranger. Voilà. c'est dommage que Pierre Ronsimon ne soit pas là, parce qu'on a donc parmi les personnes qui viennent pratiquement tout le temps, parmi les piliers des Hermines, il y a Pierre Ronsimon, qui était prof de sociologie à Rennes 2 et qui donnait donc des cours sur les relations interethniques. Donc, inciter. Par contre, ethnie et ethnicité, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est plus difficile. Est-ce qu'il y a des questions sinon... J'ai une question sur le... quel langage ils utilisent les Bretons qui sont au Québec pour désigner justement ces Québécois, pour les désigner, quel langage ils utilisent? Est-ce qu'ils disent français ou québécois pour la langue notamment? Est-ce qu'ils parlent du français ou du québécois? Ah non, ils parlent du français, oui. Ils les considèrent comme des Québécois, mais ils parlent le français, oui. C'est toujours... C'est toujours ce paradoxe entre le maudit français, les Bretons sont bien vus du fait du maudit français, mais... Oui, c'est un réel paradoxe, en fait. C'est-à-dire que, voilà, si le Breton a le temps de se montrer qu'il est Breton, etc., et en fait de revendiquer qu'il est Breton, parce qu'il y a des Bretons qui n'ont pas envie de dire qu'ils sont Bretons aussi, il y a des Bretons qui disent qu'ils sont français, effectivement, la relation est très différente. Et vraiment, moi, j'ai fait le test, en me présentant en tant que Bretonne et en me présentant en tant que Française auprès des québécois, et la relation a été mais complètement différente. Hein. C'est vraiment il y a cette distance qui est mise parce qu'on est français. Alors c'est toujours la manière d'être perçu est très différente aussi quand on s'installe et quand on est de passage, quand on y va en vacances et quand on y est vraiment sédentarisé. Effectivement, quand on y va en vacances, on est français, nos cousins, etc. Enfin, vraiment un bon relationnel. Bon, faut aussi dire que on fait marcher le tourisme, hein, donc il y a un relationnel très différent. Mais par contre, quand on s'y installe, le français est quand même aussi perçu comme le voleur de job. Hein. Actuellement, ça c'est ressorti dans beaucoup de discours des migrants que j'ai rencontrés. Beaucoup ont été perçus comme des voleurs de job. Donc, on a un peu le statut qu'on donne aux Maghrébins ici en France. Voilà, c'est aussi le contexte économique qui fait que qu'on est perçu un peu de cette manière. Mais c'est vrai que la situation du breton est toujours entre deux parce que tout dépend de la manière dont il se présente. C'est vrai que le Québécois peut avoir effectivement le réseau de danse, de musique québécoise, par exemple, quand on intègre ce milieu. Bon, effectivement, on dit qu'on est breton parce qu'on a, voilà, on danse beaucoup ici, on a une musique, etc. Et du coup, il y a des affinités qui se créent du point de vue musical, linguistique, etc. C'est vrai qu'après, en milieu professionnel, par exemple, bon, bah, quand on est au travail, on fait pas de musique ou on danse pas. Donc là, on a un relationnel de travail. Et dans le relationnel de travail, effectivement, ces mêmes Bretons qui ont été perçus, par exemple, dans une soirée de danse québécoise, qui ont eu un bon relationnel avec des Québécois, peuvent avoir un très mauvais relationnel, par exemple, dans leur relation de travail, parce qu'ils sont perçus comme des Français, parce que de mon point de vue audible, ils sont français. Et on les catégorise, donc forcément, le français, ça va être celui qui va dire le premier mot, qui va être hautain, qui va considérer les autres un petit peu de haut, et qui va se sentir supérieur. Et le Québécois, vraiment, déjà, il part du principe qu'il ne parle pas le bon français. Donc, déjà, un Québécois qui vous parle, c'est quelqu'un qui se place en position d'infériorité linguistique. Et qui va faire attention aux mots qu'il utilise en plus. Donc il ne va pas être naturel, parce qu'il sait qu'il peut faire des fautes de français. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est la langue au Québec. Et ça peut arriver de dire les chevals, c'est les chevals. Et c'est vrai que du coup, il y a toujours ce positionnement du Québécois qu'on sent très bien quand on vit au Québec, de faire attention à la langue française, où on vous dit « Ah, vous avez le bon français ». Et c'est curieux de dire qu'on a du bon français. C'est... Voilà, qui francise en fait des mots que nous en anglais, enfin qu'on utilise en anglais. Oui. Le rapport s'inverse, mais il y a quand même ce malaise en fait qui a été transmis vraiment de génération en génération et qui a du mal à s'effacer. Bon, petit à petit, ça vient. Hein. On sent bien que la relation québécois-français commence à s'égaliser, à être à peu près sur le même niveau, parce qu'aussi les Québécois font des études aussi, ce qui n'était pas le cas dans les années 50-70. Hein. Et encore, il y a un malaise au niveau, par exemple, de la recherche universitaire ou dans les laboratoires, on est entre Français, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de Québécois qui font des études supérieures, parce que le coût des études est élevé, parce que dans les mentalités, on ne paye pas des études à ses enfants, c'est les enfants qui doivent se payer eux-mêmes leurs études s'ils veulent faire des études universitaires, donc ils doivent travailler à côté. Donc effectivement... Voilà, mais c'est ce qui crée aussi, et c'est vrai que au sein même des laboratoires, quand on est en majorité de Français par rapport aux Québécois, ça crée aussi un rapport qui n'est pas égal, quoi. Donc quelque part, on a les meilleurs postes. Et c'est souvent, dans le cadre de la recherche, bon, c'est quand même un milieu ouvert la recherche, mais c'est vrai que des fois, ça peut créer des tensions. Voilà. Une question en plus de sociolinguistique. Vous avez évoqué un cas de transmission du breton dans une famille. Est-ce que ça fait partie de vos questions de pratique de la langue bretonne ou pas là-bas, en arrivant et puis après la transmission? Oui, en fait, c'était vraiment un volet, un des chapitres de la thèse, c'était de voir s'il y avait effectivement utilisation de la langue bretonne, transmission aussi à des enfants de bretons nés au Québec. Et donc, pour moi, c'était intéressant de voir justement s'il y avait continuité de cette langue de manière complètement déterritorialisée, puisque voilà. Donc, c'était vraiment un volet, oui, un volet de la thèse, et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que bon, j'ai pu mener des entretiens en breton, donc il y a eu aussi une libération de tout ce qu'on peut exprimer en breton, qu'on ne peut pas forcément exprimer en français, parce que voilà, parce que c'est la langue du cœur et qu'on n'exprime pas la même chose. Et c'est vrai que ça a été, le sujet de la langue a été quelque chose de très très important dans le cadre de ma recherche, et qui m'a donné vraiment des éléments de compréhension très forts d'un point de vue au niveau de l'expression des sentiments, surtout. Voilà, sur ce rapport à la langue, ou par exemple aussi des jeunes générations de bretons qui se sont mis à apprendre le breton au Québec. C'est-à-dire qui suivent des cours par correspondance et qui apprennent le breton à 6000 km pour garder leur appartenance, pour garder un lien, alors qu'ils ne s'y seraient jamais intéressés s'ils étaient restés ici. Mais le fait d'immigrer et de sentir un manque les a amenés tout simplement à se mettre à la langue bretonne à 6000 km de leur territoire. Donc ça, c'est... Alors, le locuteur bretonnant natif, minoritaire, j'ai donc sur 35 personnes, j'ai 3 personnes qui étaient locuteurs bretons natifs. Donc les personnes que j'ai rencontrées sont soit des locuteurs qui ont appris tout simplement parce que leurs parents parlaient breton et avaient choisi, donc comme la famille Conan, hein, qui avait choisi, c'est la transmission linguistique au sein de la famille, donc qui est quand même un cas isolé, hein, on ne va pas généraliser, mais qui, la famille Conan quand même, qui a aussi développé ce réseau, parce que la famille Conan a donné des cours de breton à l'université, pour ceux qui avaient envie d'apprendre la langue bretonne, a donné aussi des cours de culture et civilisation celtique à l'Université de Montréal, donc qui a aussi développé un réseau, donc qui a participé à développer ce réseau linguistique. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les jeunes qui fréquentent des fest-noz là-bas, j'ai rencontré 5 personnes quand même qui ont fait ce choix d'apprendre la langue au Québec. Donc c'est assez, c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, puisque une langue complètement déterritorialisée, mais auquel ils donnent une importance, peut-être parce qu'ils sont aussi en contexte où ils ont une fierté d'exprimer leurs différences culturelles. Chose qu'ils n'avaient pas forcément avant de partir ici. La langue est quelque chose de valorisé. Donc la différence culturelle est quelque chose de valorisé. Donc aussi l'envie de valoriser sa différence culturelle. J'avais une autre question par rapport à la recherche de lien avec le monde celtique. C'est-à-dire peut-être, est-ce que vous avez observé parmi les personnes qui font partie du corpus, des personnes qui... chercher des liens avec des communautés celtiques comme les Irlandais, ce qui voudrait dire avoir une position aussi un petit peu particulière par rapport à la communauté anglophone. Mm-hmm. Et vous pouvez ce côté-là aussi qui pourrait être concevable. Alors c'est vrai que généralement, quelques membres de l'Union des Bretons participent aussi, par exemple, au défilé de la Saint-Patrick. C'est un des éléments. Bon, il n'y a pas plus de manifestations que ça, mais bon, il y a quand même une solidarité, on va dire, entre pays celtiques. Mais c'est pas quelque chose qui, en tout cas, c'est pas quelque chose dont mes interlocuteurs ont parlé spontanément, parce que moi, je suis partie déjà d'un récit de migration, et après d'entretien semi-directif où je laissais quand même la parole libre, c'est-à-dire je n'avais pas des questions-réponses. Donc c'était vraiment aussi, j'attendais que ça vienne d'eux, donc essayer de pas influencer leur discours. Ce qui m'intéressait, c'est ce que eux pouvaient me dire de manière spontanée. C'est vrai que le fait celtique n'a pas été quelque chose dont ils m'ont parlé ou qu'ils ont voulu souligner pour dire oui, on a envie de valoriser notre identité et aussi plus largement l'identité celtique. Voilà. Donc après, c'est sûr qu'il y a des affinités qui se créent tout simplement parce que la culture écossaise, par exemple, est très forte au Québec. Il y a beaucoup d'immigrants écossais et irlandais. Donc effectivement, il y a des passerelles qui se créent. Beaucoup de Bretons se sont mis à la cornemuse, par exemple, mais peut-être aussi parce que ça leur rappelle le biniou, voilà, mais pas de manière voilà, de significatif, quoi. Ouais, ce qui est un problème, c'est que les Écossais parlent anglais. Voilà, et que les Bretons ne parlent pas forcément très bien l'anglais. Voilà. Je vais vous demander, quand vous parliez de. Vous avez dit à la fin là, que le cadre multiculturel avait favorisé leur expression culturelle, leur manière de s'intégrer, etc. Ce cadre multiculturel, c'est le cadre multiculturel dans les esprits, c'est-à-dire la conscience de la diversité culturelle, l'attachement à l'originalité québécoise, etc. Ou est-ce que ça peut être aussi le cadre multiculturel dans un sens juridique, puisqu'il y a quand même un certain nombre de lois qui ont été prises liées à la charte, je ne sais pas comment ça s'appelle, la charte multiculturelle. Mm-hmm. Est-ce que les Bretons ont pu tirer éventuellement un peu profit de la politique multiculturelle québécoise? Est-ce qu'ils ont pu en tirer un profit quelconque ou pas du tout? Alors, bah, c'est sûr que bon, c'est vraiment le fait de vivre dans une société qui se sent multiculturaliste, voilà, l'état d'esprit, hein, dont ils m'ont parlé, c'est vraiment l'état d'esprit. Ils ne m'ont jamais parlé, voilà, de politique, excepté bon, le président de l'association de l'Union des Bretons, qui lui était plus à chercher plutôt des subventions, par exemple. Non, ça, voilà. Parce qu'ils auraient plus facilement des subventions. Voilà. Alors c'est vrai que, enfin, il y a beaucoup de subventions qui sont données aux associations culturelles, énormément, et il y a eu un grand événement, par exemple, quand j'étais au Québec, donc le Bélème, hein, le fameux trois-mâts qui venait de Nantes, a fait sa dernière traversée de l'Atlantique et est venu à Montréal. Et donc le président de l'Union des Bretons a simplement proposé d'animer en fait l'arrivée du Bélème, etc. Et effectivement, on a eu une énorme subvention, enfin l'Union a eu une énorme subvention pour faire une animation. Et ça a été vraiment quelque chose d'important. Tous les membres de l'Union ont pu dormir dans le Bélème. Ça a été, enfin, on a eu un grand espace à Québec qui reçoit les énormes concerts donnés dans la ville de Québec où on peut accueillir 6000 personnes. Enfin, c'est énorme. Et donc on a eu l'Union des Bretons. Je dis on parce que comme j'ai participé à tous les événements, du coup. Les Bretons ont eu une énorme scène de spectacle pour jouer la musique bretonne. Alors c'est pas des groupes de renommée internationale, hein, c'est des petits groupes de musique, des amateurs de musique bretonne qui animent à Fest-Noz, quoi. C'est vraiment. Donc effectivement, ça leur a donné aussi des moyens, parce que le multiculturalisme est une réalité politique. Donc, mais c'est pas ce dont m'ont parlé les migrants. Eux, c'est vraiment l'état d'esprit multiculturaliste. Il n'y a pas de reconnaissance, ne serait-ce que dans les textes ou autres, de communauté bretonne. Bah, il y a reconnaissance de toute communauté. À partir du moment où cette communauté, respecte le contexte canadien, les habitudes de vie, etc. Est-ce que les Bretons sont recensés, par exemple, au Canada? Alors non, par contre, il y a pas de recensement. Il y a des recensements des Français, des Écossais, etc. Mais il n'y a pas de recensement des minorités. Parce qu'en Russie, par exemple, au recensement, on demande la nationalité des gens. Et parmi les nationalités, il y a la nationalité nantaise. Donc, ah bon? Les Nantais sont recensés en Russie, mais les Bretons, eux, ne le sont pas. Donc, c'est une particularité. Uh-huh. Non, il y a par contre, d'ailleurs, c'était une difficulté pour. Parce que j'aurais voulu quand même estimer, de mon point de vue, pour de chiffrer, en fait, cette migration bretonne, et j'ai jamais pu le faire, puisqu'il n'y a pas. Il n'y a pas de recensement. Voilà, ils sont intégrés à la communauté française. Mais est-ce qu'il n'y a pas de recensement? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de reconnaissance en France. C'est ça aussi. C'est tout simplement ça. Je pense que d'un point de vue légal, ils n'ont peut-être pas le droit de recenser une population qui n'est pas considérée comme une nation, en fait. Donc, l'INSEE recense les Bretons d'un point de vue régional. Alors, je ne sais pas trop... mais c'est vrai que non, il n'y a pas de. Voilà, en tout cas, le multiculturalisme est vraiment quelque chose qui. Enfin, un état d'esprit, hein, voilà, c'est l'état d'esprit dont m'ont parlé mes interlocuteurs. Une autre petite question, dans votre profil de migrant, là, vous parlez de ceux qui sont d'ici et de là-bas, ceux qui sont d'ici mais de là-bas, ceux qui sont d'ici. Et moi, j'avais le souvenir en lisant vos thèses qu'il y avait aussi ceux qui sont ni d'ici ni de là-bas. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Oui, c'est vrai que il y a des migrants qui ne se considèrent de nulle part, en fait, qui ne se sentent appartenir à nulle part, tout simplement parce que ils ont vécu dans cet entre-deux et puis finalement ne se sentent ni attachés à leur territoire d'origine ni intégrés au Québec, et qui, bon, certains m'ont parlé d'être citoyens du monde. Donc se sentent tout simplement là où ils sont, mais sans forcément adopter l'identité ou l'appartenance, la culture de l'endroit où ils vivent. Ils ne sont pas forcément très bien non plus, parce que vous parlez de ceux qui sont à l'aise. Là, ceux-là, parfois, ils sont, oui, quand ils reviennent en Bretagne, etc. Ils se sentent... Voilà, qui se sentent un petit peu... parce que c'est vrai qu'il y a toute la question du retour aussi que j'ai analysé. Et c'est vrai que le retour n'est pas forcément facile, parce qu'effectivement, ceux qui rentrent, c'est ceux-là surtout qui ne se sentent plus de nulle part. Parce qu'ils ont perdu leur repère dans un pays, enfin dans un territoire qui a changé. Ils avaient des repères du Québec qu'ils n'ont plus. Et finalement, ils se sentent à la fois étrangers quand ils reviennent, où ils sont effectivement bretons, mais ne se sentent plus bretons parce que le territoire a changé, les habitudes ont changé, et qu'eux-mêmes ont changé, eux-mêmes ont pris des habitudes québécoises qui ne sont pas adaptées à ce qu'ils vivent en Bretagne. Et du coup, effectivement, qui finissent par ne plus se sentir de quelque part. Qui se sentent... Ils ont dû l'idéaliser aussi. Comment ? Ils ont dû l'idéaliser aussi. Oui, alors effectivement, il y a aussi ceux qui sont partis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui se sont dit, un jour, je rentrerai en Bretagne, un jour, je retrouverai mes habitudes, mes coutumes, etc. Et quand ils rentrent, la société a changé, et c'était loin des espérances qu'ils avaient. Parce qu'ils ont tellement vécu la Bretagne, certains ont fait des allers-retours, mais il y en a qui ne sont pas rentrés depuis 14 ans, par exemple, et qui ont cet idéal de la Bretagne où on parle breton, où... Voilà, et effectivement, c'est y a une idéalisation un petit peu. Et puis, ils vivent tellement, certains aussi sont tellement investis dans le milieu culturel breton là-bas, qu'ils espèrent retrouver cette même dynamique quand ils rentrent et se retrouver ce même réseau. Et souvent, ceux qui rentrent me disent « oui, mais finalement, maintenant, on est comme tout le monde. On est des Bretons parmi des Bretons. On se sent comme tout le monde. » Et comme une petite déception de ne plus se sentir exceptionnel, parce que là-bas, on est exceptionnel, on est différent, on est Breton, on est différent du reste de la population. Et ici, ça perd du sens parce que, en fin de compte, c'est banal, quoi. Donc, il y a ce problème aussi, de réintégration à son propre territoire.